La nuit m'ennuie. Bruit, nuit, fruit, juillet. La nuit m'ennuie. Virlangue. Je suis ce que je suis. Si je ne suis ce que je suis, qu'est-ce que je suis? Répétez. La pluie m'ennuie. Quel bruit! Il fait nuit. La truite cuite. Attention. Huit. Oui. Lui. Loin. Cuit. Coin. Répétez. Huit. Oui. Lui. Loin. Cuit. Coin. Répétez. Aujourd'hui, j'ai pris mon parapluie. Il conduit la nuit sans bruit. Les druides prennent des biscuits et des prunes. Il cuisine pour lui. À bientôt.